Je suis Sébastien Farcy, je suis correspondant pour Radio France Internationale et pour la radio-télévision suisse depuis bientôt 8 ans en Inde et en Asie du Sud. J'étais d'abord à Bombay, Mumbai, pendant 3 ans et puis maintenant depuis 5 ans à New Delhi. En ce moment, Sébastien Farcy, on vous dérange peut-être avec une certaine activité? Oui, en effet, les élections indiennes viennent de commencer, ces élections législatives qui ont lieu tous les 5 ans et qui représentent en fait vraiment le rendez-vous électoral le plus important du pays. C'est bien sûr les élections qui vont décider de l'avenir et du visage, du nom du prochain Premier ministre, le chef du gouvernement pendant les 5 prochaines années. Ce qui se traduit pour vous par un bon nombre d'interventions dans bon nombre d'antennes et toutes sortes de propositions, aussi bien des reportages, des portraits, etc., etc. Bien sûr, j'ai passé en fait les 15 derniers jours avant le début de ce scrutin, avant le 11 avril, à parcourir l'Inde, à essayer d'identifier, d'offrir une photographie de ce qu'est l'Inde aujourd'hui, au bout de 5 ans de ce gouvernement nationaliste hindou, essayer de tâter, de prendre le pouls de cette population qui est très diverse. Donc c'est très compliqué, c'est une tâche qui est quasiment impossible d'essayer de savoir ce que pensent les Indiens et ceux qui sont prêts à voter. Donc je suis allé autant plutôt dans le nord du pays, depuis New Delhi, vers l'est, jusqu'à Bénarès, dans toute la région de l'Uttar Pradesh, qui constitue en fait le premier État du pays, 230 millions d'habitants. Donc on en fait un petit peu le pouls du pays, celui qui envoie le plus de députés, et surtout Bénarès, qui est la circonscription où a été élu le Premier ministre Narendra Modi. On devine l'immensité du chantier, on aura l'occasion d'en reparler. Est-ce que de ce que vous avez pu observer, de ce que vous saviez déjà, Sébastien Farcy, vous pourriez parler d'une population très politisée? Politisé, oui, depuis longtemps. C'est vrai que c'est un pays qui a l'habitude, c'est une population qui vote de manière continue depuis 1947. Donc il y a une vraie culture des élections. C'est très important, une culture démocratique. Alors bien sûr, une population qui vote en fonction d'enjeux qui sont très différents des nôtres en Occident, une population un tiers vit dans une situation pauvre ou très pauvre. Donc ce qu'ils demandent en général lors de ces élections, ce sont des choses basiques, l'électricité, les routes, de l'eau, des rations alimentaires accessibles et moins de corruption pour tout simplement avoir l'essentiel pour vivre, peut-être un petit peu d'emploi. Ce sont des enjeux qui maintenant sortent avec l'émergence d'une classe moyenne, comment faire émerger de meilleurs emplois. Mais l'essentiel, bien sûr, de la population va voter en fonction de ces 4-5 choses essentielles de leur vie qui ne sont pas encore des faits établis pour la plupart de la population. Et puis, il y a aussi l'enjeu de caste. Il faut le dire, la population votent encore beaucoup en fonction de leur caste et pour des élus de leur caste, car il y a beaucoup de discrimination en fonction des castes et que donc les gens vont préférer voter pour leur caste et surtout pour ceux qui viennent de basse caste, pour leur basse caste, en espérant que l'élu ne les discrimine pas quand ils seront au pouvoir. On emploie souvent à l'égard de l'Inde l'expression de la plus grande démocratie du monde. Vous-même, vous avez employé ce terme de démocratie, mais la façon dont l'Occident peut l'entendre et la façon dont l'Inde peut l'entendre est peut-être différent. Le climat actuel dans lequel se déroulent ces élections, compte tenu des très vives tensions, voire parfois des drames, voire parfois des tragédies qui ont parsemé l'histoire politique récente de l'Inde, sont-elles de nouveau à fleur de peau, si j'ose dire? Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le gouvernement les utilise d'ailleurs assez fréquemment. Les tensions religieuses sont très fortes, hein. Ce n'est pas nouveau. C'est depuis 70 ans que les tensions religieuses sont vraiment à fleur de peau. Mais aujourd'hui, le gouvernement nationaliste hindou les utilise de manière délibérée ou insidieuse, en faisant la promotion et de la suprématie de l'hindouisme et en menaçant ou en faisant penser aux hindous qu'ils sont menacés par les musulmans et que du coup, il faut qu'ils votent pour ces nationalistes hindous. Ils assimilent beaucoup les musulmans aux terroristes en général et au Pakistan de manière large pour effrayer la population hindoue. Donc, on a vu depuis 5 ans vraiment de plus en plus de groupes hindouistes tolérés par les gouvernements régionaux et nationaux qui attaquent les musulmans pour des raisons religieuses comme la vache sacrée. Alors, on accuse les musulmans de transporter des vaches vers l'abattoir de manière illégale, souvent à tort, mais il y a une trentaine, 40 musulmans sûrs qui ont été assassinés par ces groupes hindouistes sans que les États régionaux, sans que le gouvernement national ne condamne ces actes. Narendra Modi n'a jamais condamné ces attaques contre les musulmans. Donc il y a vraiment des tensions religieuses qui sont encore plus exploitées aujourd'hui, bien sûr, lors de cette campagne électorale, pour attirer cette population majoritaire de 80% d'hindous et les rassembler derrière ce vote du parti du BJP, le parti nationaliste hindou. Compte tenu de l'immensité du pays, de l'immensité de la tâche que de mettre en place de pareilles élections, compte tenu également de la gigantesque densité de population, peut-on dire que les urnes, malgré tout cela, sont des urnes fiables ? Oui, en fait, depuis quelques années, la commission des élections a mis en place un vote électronique. Donc ce sont des machines à voter qui sont assez fiables apparemment. Alors il y a des partis d'opposition qui contestent et qui demandent des traces papier de ces votes en affirmant que le gouvernement a les moyens de les trafiquer. Il n'y a pas eu de preuves vraiment apportées. La commission des élections a d'ailleurs ouvert des sessions de hackathon, on appelle ça, pour que demander aux hackers de venir les trafiquer. Alors ça n'a pas été concluant. Donc ça montrerait qu'il y a une fiabilité, en tout cas jusqu'à 99% de ces machines. Il y a en plus des traces papier pour certaines machines, pour un petit nombre, pour pouvoir les comparer et ainsi montrer qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'inscrit la machine et ce qu'il ressort vraiment du vote. On parle d'abord et essentiellement aujourd'hui du BJP, le parti du Premier ministre indien, Narendra Modi, dont il sera notamment question aujourd'hui. Mais les forces politiques principales qui se trouvent en présence, est-ce que, Sébastien Farcy, en face du BJP, il y a un gros parti capable de tenir la dragée haute au précédent ? Ce qui est sûr, c'est que le BJP, dans toute cette campagne, a mené une campagne sécuritaire et nationaliste depuis les attaques contre le Pakistan. Donc le BJP a vraiment dominé la campagne en affirmant qu'il était le seul à pouvoir garantir la défense de la nation. Face à eux, il y a bien sûr le mastodonte du Congrès. Alors ce parti traditionnel du Congrès, qui a dirigé l'essentiel des gouvernements depuis l'indépendance, depuis 70 ans, est aujourd'hui vraiment que l'ombre de lui-même. Il y a 5 ans, il a subi une défaite électorale historique. Il essaye de renaître aujourd'hui de ses cendres. C'est le parti qui est connu pour le parti de la dynastie des Nehru Gandhi, et on en est à la quatrième génération aujourd'hui à prendre les rênes de ce parti. C'est Rahul Gandhi qui est le président du parti, un jeune qui essaye de revigorer ce parti en faisant campagne pour les pauvres et promettant un revenu minimum garanti pour 250 millions d'Indiens. Donc ça lui permet d'avoir une certaine popularité envers cette population qui est quand même très importante de pauvres. Mais il ne fait pas vraiment figure de favori, car il n'a pas vraiment, Rahul Gandhi, le charisme ni l'argent, parce que c'est encore une fois une question d'argent. Le BJP est extrêmement riche. Depuis 5 ans, il a amassé énormément d'argent. Il y a vraiment une lutte déséquilibrée en termes de moyens. Et puis, il y a des partis régionaux, un troisième front qui pourrait être très important au moment de la constitution d'un gouvernement. Ce troisième front de partis régionaux qui pourrait être les faiseurs de roi au moment d'essayer de constituer une majorité au Parlement. Le tournant historique, indiquez-vous, Sébastien Farcy, le tournant historique en Inde s'est déroulé en 2014. Est-ce que vous pourriez peut-être à la fois nous faire un résumé de la situation et en profiter pour introduire le premier invité que vous nous proposez autour de ces questions à la fois du politique qui vont nous permettre de tracer, d'esquisser un portrait du Premier ministre Narendra Modi. Il y a eu vraiment un changement radical en 2014, en effet, avec l'arrivée pour la première fois d'un parti qui ne soit pas le Congrès, un parti qui a réussi à obtenir la majorité absolue à la Chambre et qui n'est pas le Congrès, encore une fois. Et puis la dialectique nationaliste hindoue qui est venue vraiment s'inviter dans tous les gestes et tout le quotidien des Indiens. On a vu depuis 5 ans vraiment la question de la vache émerger comme si c'était une question de sécurité nationale. Qui mange du bœuf, qui en mange pas, les hindouistes qui frappent et menacent ceux qui mangent du bœuf. La question de comment on s'habille, de qui on prie. Donc vraiment une intrusion de la religiosité de manière flagrante et assez terrorisante pour beaucoup d'Indiens qui ont grandi dans un pays qui est quand même laïque. Donc un changement vraiment de forme de l'exercice du pouvoir et puis de la société indienne. Et tout cela a été vraiment mis en place de manière systématique par ce parti nationaliste hindou, par le premier ministre Narendra Modi, qui a vraiment redonné une nouvelle forme à cette société indienne. Et celui qui en parle très bien est justement l'invité que j'ai été interrogé. Il s'appelle Gilles Vernier, c'est un fin connaisseur de la politique indienne. C'est un politologue belge. Il est installé en Inde depuis une dizaine d'années. Il connaît donc très bien le contexte politique indien. Il est aujourd'hui professeur de sciences politiques et directeur du Centre de données politiques à l'université indienne, Ashoka. L'arrivée de Narendra Modi au pouvoir marque un certain nombre d'innovations en termes de mode de gouvernance en Inde. Il apporte un mode de gouvernance qui est hyper personnalisé, un mode de fonctionnement de l'exécutif extrêmement centralisé. Il y a une marginalisation du cabinet, une marginalisation des ministres. Tous les pouvoirs et les décisionnaires sont concentrés au sein du Prime Minister Office. Toutes les décisions sont concentrées entre les mains d'un nombre très restreint de conseillers qui ne sont pas des élus, qui n'émanent pas du Parlement. Ce qui est très rare dans un État fédéral, exactement. Mais aussi un mode de gouvernance basé sur une stratégie de saturation de l'espace public avec l'image et aussi la voix du Premier ministre qu'on n'avait pas connu en Inde depuis les années 70, depuis Indira Gandhi. Et avec un environnement médiatique fondamentalement transformé avec une explosion du nombre de chaînes de télévision, de nombre de titres de presse, les réseaux sociaux, etc. Et donc depuis 5 ans, cet espace médiatique, cet espace public est totalement saturé de l'image du Premier ministre, y compris l'espace public physique. Les panneaux publicitaires, les unes des principaux journaux, les infrastructures publiques portent la marque, le visage Premier ministre, ce qui n'était pas pratique courante auparavant. On ne voyait pas la tête de Manmohan Singh partout, on ne voyait pas la tête de ses prédécesseurs sur n'importe quel support publicitaire. Le BJP aussi bénéficie de ressources qui paraissent sans limite, ce qui leur permet d'acheter cet espace publicitaire, cet espace public. Ça a l'effet de créer une impression d'omniprésence. Ça permet au BJP et à Narendra Modi de créer quotidiennement l'agenda médiatique. Ça force l'opposition à se cantonner à une position de réaction. La communication est très subtile et est toujours très calibrée, puisque les messages sont toujours positifs et d'intérêt général, et donc très difficiles à attaquer. Cette saturation de l'espace public permet aussi de rendre l'opposition invisible et inaudible, et ça permet de renforcer cette image de leader providentiel. Narendra Modi est un Premier ministre qui communique sur sa façon de travailler comme personne d'autre auparavant. Nombre d'articles admirant le fait qu'il dorme très peu, à peine 3 heures par nuit. Il y a un élément de culte de la personnalité et de personnalisation du pouvoir qu'on n'avait pas vu en Inde, une fois encore, depuis Indira Gandhi. Il a utilisé aussi des nouvelles manières d'approcher les électeurs à travers les médias sociaux, à travers ses discours hebdomadaires. Est-ce que vous pouvez parler de cette communication très directe avec les électeurs qui n'était jamais vue auparavant ? Communiquer directement avec la population ou l'électorat, c'est une des caractéristiques premières du populisme. On rend toutes ces institutions médiatrices invisibles pour créer ce lien imaginaire, fictif, direct entre le peuple et le leader. C'est caractéristique des dictatures, évidemment, mais c'est caractéristique aussi des formes d'exercice de pouvoir populiste dans les démocraties. La plupart des populistes au pouvoir aujourd'hui privilégient les médias sociaux comme mode de communication. À la fois, Modi est omniprésent dans les médias, sur les réseaux sociaux, par Twitter, mais il ne donne aucune interview. Et donc la communication est toujours unilatérale, mais il n'existe pas d'opportunité de remettre en cause directement telle ou telle décision. Et puis ce Man Ki Baat, très intéressant, c'est une émission de radio quasi hebdomadaire où le Premier ministre prononce une allocution sur des thèmes extrêmement généraux, autour desquels tout le monde peut se rallier. Donc aucun sujet polémique. Il parle beaucoup de Gandhi aussi, de manière étrange, puisqu'après tout, il appartient à une famille politique responsable de son assassinat. D'une certaine manière, il imite ou émule ce que Gandhi faisait aussi lorsqu'il parcourait le territoire avant l'indépendance pour rallier des soutiens pour le projet de libération de l'Inde. Gandhi adressait des foules énormes, des rallyes politiques, mais ne parlait jamais de politique directement. Il ne parlait jamais du parti du Congrès. Il n'a jamais demandé des voix à quiconque. Il n'a jamais demandé voter pour le parti du Congrès. Mais il évoquait de la même manière des sujets très consensuels, éthique personnelle, égalité, respect mutuel, harmonie entre groupes et religions. Il parlait d'hygiène tout le temps, la nécessité de la propreté, ce qu'on retrouve dans des programmes publics comme le Swachh Bharat, qui est une vaste politique publique de nettoyage de l'espace public menée par Narendra Modi. Avec le symbole de Gandhi. Avec le symbole de Gandhi. Donc les parallèles sont très très nombreux. Donc, il essaie de se présenter comme quelqu'un au-dessus des partis en instillant toujours l'idéologie nationaliste. Donc en essayant de recréer un Gandhi 70 ans après, mais avec des valeurs nationalistes hindoues. Oui, non, absolument. Mais tout cela se fait avec une forme de double discours et de double pratique. Parce que l'aspect public des choses consiste justement à être aussi intégratif que possible. Il y a un intérêt électoral à capturer les figures symboliques des opposants, évidemment. Ça s'aborde complètement le discours donc, du reste de la classe politique. Ça permet de dépasser les clivages. Ça permet de construire une image de modération aussi. Mais la réalité sur le terrain est très différente, puisque le BJP n'a pas renoncé à ses formes classiques de mobilisation politique qui reposent sur la polarisation, la division sociale, la stigmatisation des musulmans. Modi ne parle jamais des minorités. Il ne s'exprime pas, ou très peu, ou très tard, lorsque des lynchages ont lieu, lorsque des musulmans sont battus et assassinés pour des questions de viande ou pour des questions de transport de bétail. Il y a une politique délibérée de rendre les minorités invisibles, en ne les mentionnant pas. Depuis 2014, quinzaine d'élections régionales ont lieu. Le BJP a présenté des milliers de candidats à ces élections régionales, mais ne donne aucune représentation, aucun espace aux musulmans. On les ostracise. Complètement. Mais sans appel à la violence nécessairement, mais en laissant des organisations locales liées directement ou indirectement au BJP ou au RSS, qui est la matrice vraiment du BJP, en leur laissant le soin de le faire. Et comment est-ce qu'on peut voir justement les promesses qui ont été faites en 2014? Est-ce que les résultats sont à la hauteur des promesses qui étaient justement très chiffrées? Le problème quand on vient au pouvoir avec en faisant des promesses très très élevées, c'est que au plus haut les promesses, au plus haut la chute. Et les performances économiques n'ont pas suivi l'enthousiasme initial. Au cours des mois qui viennent de s'écouler, le BJP a enregistré un certain nombre de revers électoraux dans des états qu'il dominait depuis parfois une quinzaine d'années, parce que ce contraste entre promesses et réalité vécue s'est agrandi au cours des dernières années. La question de l'emploi, la question du chômage, la question du développement rural ont été largement négligées. Et donc ça se traduit par une colère qui gronde et qui monte, particulièrement dans les régions rurales. Aux dernières élections, le BJP a fortement baissé en voix dans les États comme le Madhya Pradesh, le Rajasthan. Et donc ça permet de penser que le BJP ne sera pas à même de reproduire la performance qu'il a fait en 2014, qui, bien des mesures, a été une performance extraordinaire et complètement inhabituelle. Gilles Vernier au micro de Sébastien Farcy. Gilles Vernier, professeur de sciences politiques à l'université d'Ashoka. Sur ce sujet, Sébastien Farcy, est-ce qu'on connaît les chiffres, les estimations du combien de musulmans vivent aujourd'hui en Inde? Sont-ils concentrés dans une région particulière ou plutôt disséminés au travers de tout le pays? Eh bien, on estime aujourd'hui qu'il y a près de 200 millions de musulmans en Inde. Cela représente 14% de la population, ce qui fait qu'il y a quasiment autant de musulmans en Inde qu'au Pakistan voisin, le Pakistan qui a pourtant été créé pour accueillir les musulmans qui le voulaient au moment de la fin de l'Empire britannique et de la séparation des Indes. Donc c'est très important, c'est une population qui est énorme. L'Inde compte du coup la troisième plus importante population musulmane au monde. Et c'est une population qui est très ancienne. On trace les premiers signes de l'islamisme, de l'islam, dès le 7e siècle, à une époque donc de la naissance de cette religion. Alors ils sont aujourd'hui concentrés dans deux régions principales, au Cachemire, où ils sont la majorité, où ils représentent la majorité de la population, et dans les régions du nord-est de l'Inde, le Bengale, le Bihar, qui sont frontalières avec le Bangladesh, l'ancien Pakistan oriental, qui est aussi le Bangladesh, un pays à majorité musulmane. Dans quelle mesure les musulmans, comme d'ailleurs les autres religions minoritaires, ont-ils ou non droit de vote? Et si droit de vote ils ont, et compte tenu de leur masse démographique que vous nous indiquez, Sébastien Farcy, peut-on considérer qu'ils représentent un contrepoids important au BJP, qui est le parti essentiellement hindouiste? Eh bien sûr qu'ils ont le droit de vote. L'Inde est une démocratie et surtout une démocratie laïque. C'est-à-dire laïque, ça veut dire que l'État promeut toutes les religions. Et donc, à ce niveau-là, je veux dire, tous les croyants de toutes les religions ont bien sûr le droit de vote. Et les musulmans se définissent comme des musulmans indiens. Ils n'ont aucun lien avec le Pakistan. Et c'est bien là la différence. Alors après, est-ce qu'ils représentent en tant que tels une force politique? Eh bien, à l'origine, et l'Inde a toujours considéré, les partis politiques indiens ont jusqu'à présent considéré que toutes les religions pouvaient aller vers tous les partis et il n'y avait pas vraiment d'appel à la religiosité des électeurs. Mais cela a changé avec l'émergence du BJP qui a considéré que voilà, nous avons 80% d'hindous, nous allons essayer de ramener, de constituer un corps électoral des hindous qui constitue donc 80%, donc une majorité, et cela sera notre fondement. Et du coup, par défaut, les musulmans qui savent qu'ils ont tout à y perdre avec le BJP, eh ben, essayent, eux, de constituer une force d'opposition qui constitue que 14% de la population, donc une toute petite minorité. C'est un jeu, bien sûr, assez pernicieux, insidieux pour diviser entre hindous et musulmans. Mais il y a des partis officiellement musulmans, au Kerala, au Cachemire, qui n'ont pas forcément un agenda très religieux, mais qui aujourd'hui essayent de rassembler les musulmans contre le BJP pour contrer la politique de domination et de suprématie hindouiste. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Sébastien Farcy, correspondant à la fois pour la RTS, bien sûr, mais correspondant pour à peu près tous les médias francophones. Il y aura sans doute quelques exceptions, mais nous n'allons pas rentrer dans les détails. Sébastien Farcy, pour mieux saisir la figure de celui qui sera le héros principal du prochain documentaire d'Histoire vivante à voir dimanche soir sur RTS2 et qui a pour titre « Maudit leader digital », vous allez nous proposer un entretien que vous avez eu avec quelqu'un qui connaît assez bien le parcours de Narendra Modi. Qui est-il ? Nilanjan Mukhopadhyay est un journaliste de formation, de profession, depuis près de 40 ans. Et depuis 30 ans, il suit de manière très détaillée le nationalisme hindou et l'émergence de ce parti qui est né vraiment dans le paysage politique au moment des années 90. Et Nilanjan Mukhopadhyay a depuis écrit plusieurs ouvrages sur le nationalisme hindou. Et en 2014, il a publié l'une des meilleures biographies de Narendra Modi. Some months ago, the French president... Il y a quelques mois, le président français a déclaré que notre monde était en train d'oublier qu'il existait une différence entre le patriotisme et le nationalisme. Il en parlait dans un contexte international et je considère que cela s'applique tout à fait à l'Inde. Nous avons complètement effacé la ligne qui existait entre le patriotisme et le nationalisme. Moi, Nilanjan Mukhopadhyay, je suis clairement un patriote, comme peut l'être Rahul Gandhi ou d'autres dirigeants politiques. Mais je ne suis pas un nationaliste. Le problème, c'est que seulement un type de nationalisme est encouragé et accepté en ce moment dans ce pays. Depuis environ 100 ans, nous avions deux formes différentes de nationalisme. Il y avait, d'un côté, le nationalisme plus inclusif, qui affirme que toute personne qui vit en Inde est indienne. C'est un nationalisme territorial. Et puis, il y a l'autre nationalisme culturel promu par le parti du BJP. Selon eux, le peuple et leur culture forment la nation. Et de quel peuple s'agit-il ? Des hindous. Et de ce fait, ils affirment que toute personne qui vit en Inde est hindoue. Vous pouvez pratiquer l'islam, le christianisme ou le judaïsme, mais au bout du compte, vous êtes un hindou. Pourquoi ? Car la culture de cette terre est hindoue et que pour vivre ici, vous devez vous soumettre et révérer les idoles de l'hindouisme. In fact, while I was writing the biography of Mr. Modi, I asked him a very specific question. Quand je travaillais sur la biographie de Monsieur Modi, je lui ai posé une question spécifique à ce sujet. Je lui ai dit: vous insistez à dire que vous êtes engagé à servir tous les habitants de votre État du Gujarat. Votre slogan est « Avec tout le monde, développement pour le monde ». Or, 10% de la population de votre État est musulmane, 6 millions de personnes à cette époque. Je lui ai donc demandé « Que faites-vous donc avec ces musulmans ?» Il m'a répondu « Je n'ai rien à faire avec eux, ils peuvent pratiquer leur religion ». Mais quand ils vivent dans notre société, ils doivent révérer nos idoles telles que le dieu Ram. Donc, selon M. Modi, le dieu Ram des hindous doit devenir l'idole de tous les Indiens. Ce qui veut dire en fait que pour être indien, il faut vénérer les figures mythologiques hindoues et les considérer comme des personnages historiques de l'Inde. Et quelles conséquences a vraiment cette politique nationaliste hindoue exercée donc depuis 5 ans sur la vie des Indiens et plus particulièrement sur la vie des musulmans ? Ce que nous observons en Inde maintenant, c'est un nouveau système politique dans lequel une partie de la population, les musulmans, est exclue sans être exterminée. Ceci dans le but ultime qu'ils intègrent la société hindoue. Et il y a une pression exercée sur les hindous pour qu'ils soutiennent cette politique de ségrégation. On leur donne ce choix. Soit vous soutenez notre politique, soit vous serez ostracisés. Cela encourage, depuis quelques décennies, le développement des ghettos musulmans. Auparavant, il y avait davantage de mélange entre les deux communautés. Bien sûr, il y a toujours eu des préjudices, et ceci depuis l'indépendance. Les mariages entre hindous et musulmans n'étaient pas acceptés. Les hindous avaient des réticences à aller manger dans des foyers musulmans. Il y avait des barrières sociales. Mais celles-ci sont devenues aujourd'hui justifiables. Avant, un hindou était gêné de dire qu'il ne voulait pas manger chez des musulmans. Maintenant, il peut le dire ouvertement. Non, je ne mange pas chez des musulmans, car ces gens sont sales. Cette exclusion est donc devenue plus agressive et justifiable. Les musulmans indiens sont donc exclus, ostracisés de plus en plus. Comment est-ce qu'ils réagissent ? Les musulmans commencent à penser que leurs aïeux ont fait une erreur en restant en Inde au moment de l'indépendance et qu'ils auraient dû partir s'installer au Pakistan. Si la communauté musulmane indienne vit aujourd'hui avec un tel sentiment d'insécurité et de marginalisation, cela va poser de très sérieux problèmes de sécurité intérieure. Cette peur des musulmans, le BJP, le parti nationaliste hindou, s'en sert, il pourrait bénéficier justement d'un tel affrontement. Le BJP est déjà en train d'exploiter cette crainte. Aujourd'hui, quand le Pakistan est attaqué, ce n'est pas seulement le Pakistan qui est visé, mais les musulmans indiens. Pour faire une preuve de ça, dès le lendemain des frappes de l'aviation indienne contre des installations terroristes pakistanaises, M. Modi a lancé à la foule « Je perçois que vous êtes tous bien plus exaltés qu'aujourd'hui. Je sais pourquoi vous vous sentez si bien à présent. Pas vous ?» C'est la manière que M. Modi a de suggérer des idées à son audience. Il est un excellent orateur et il sait comment faire naître des pensées de haine chez les gens sans l'exprimer ouvertement, ce qui est très malin, car on ne peut rien lui reprocher après coup. Le gouvernement de M. Modi semble donc, à vous écouter, utiliser cette crainte des musulmans, cette division des communautés indiennes. Comment est-ce qu'ils le font concrètement à la veille des élections et dans cette campagne électorale ? Depuis ces frappes contre le Pakistan, le BJP ne parle plus que de Pakistan et de nationalisme. Et à travers ces attaques contre le Pakistan, ce sont les musulmans indiens qui sont visés. En assimilant ainsi les deux, vous effrayez la population contre les musulmans indiens et vous affirmez que n'importe quelle personne qui critique l'action du gouvernement contre le Pakistan est en fait contre l'Inde et les hindous. Et qu'il est donc temps pour les hindous de s'unir et de donner au BJP pas seulement 282 sièges à l'Assemblée comme aujourd'hui, mais plus de 400 sièges. Donc le BJP serait en train d'utiliser cette peur comme arme électorale. La peur est la plus grande force mobilisatrice du monde. Nous l'avons bien vu par la direction qu'a pris la politique américaine. Là-bas aussi, vous avez la crainte de l'autre et de l'étranger. Et cet étranger est soudainement partout, car même les résidents de l'intérieur sont décrits comme des étrangers. En Inde, on affirme que si un Indien n'est pas avec le gouvernement ou avec le BJP, il devient un étranger ou un agent de l'étranger. Je pense que le gouvernement indien est ainsi devenu fondamentalement totalitaire, car le BJP doit constamment nourrir cette animosité dans la société, jusqu'à ce que tous les hindous, qui représentent 80% de la population, cèdent à la pression et soutiennent complètement ce parti. Right from 2013-14, around the time when my biography of Mr. Modi was released, I said that he is leader in the authoritarian mold. Depuis la publication de ma biographie de M. Modi en 2013, j'affirme que cet homme est un leader totalitaire. J'ai été l'un des premiers à faire le parallèle entre les personnalités de M. Modi et de l'ancienne première ministre Indira Gandhi. Et cela se confirme aujourd'hui. Entre 1975 et 1977, Indira Gandhi a imposé un état d'urgence national, suite auquel tous les droits constitutionnels fondamentaux ont été supprimés. Depuis 5 ans, aucun droit n'a officiellement été retiré, mais tout a été socialement interdit. La liberté de parole, le droit de manger ou de porter ce que l'on veut, de rencontrer ou de soutenir qui l'on veut. Tous ces droits ont été remis en cause et ne sont plus protégés. Si ça n'est pas une forme de suppression des droits, je ne sais pas ce que c'est. Ces élections à venir sont donc extrêmement importantes dans l'histoire de l'Inde. Là, nous étions aujourd'hui en compagnie de Sébastien Farsi, qui nous a proposé un premier tour d'horizon de cette Inde plongée dans les urnes avec en perspective la réélection ou non du Premier ministre Narendra Modi, élection monumentale. Demain, il va être question d'histoire et pour cause, vu la nature même de notre émission, plus exactement du manuel d'histoire. Sébastien Farsi nous proposera à ce titre-là un nouvel entretien auprès d'un invité qui connaît assez bien la question. À demain donc.